yo, o zwangana pete. Zwangana lourdeur. Asalama yele manje. Badiaka point na vie à motote. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Solo mamo yo. Minangelele poule. Ah, mayumula tsengangenta e. Minangelele poule. Dina mangaya tobi na eteko. Minangelele poule. Jean-Luc Moukoko, Okula, Jean-Pierre Bolé, Fayende, Aïpé, Pondera, Jean-Huito, La Kemba, Yeye, Bawala, qui est censé, c'est le Vambano Barré. Polyvalent Doudou excellent. Mathieu s'en va 5 minutes de pop d'attaque à la gorge. Aïe, maman, Timbié. Aïe, Nondo. Bébé Matou. Yéba Mwacha. Keke Diaiki. Don King Tombo. Franke Mounion, ouais. Keke Diaiki. Mathieu Abramovic. Chico Samba. Kemekina. Yore Pesa Mabeto Mwassi. Yore Mouka Mabeto Mokongo. Ma, Malembe. Pascal te Véronique Bela koyoka soni te kwanza Ani kitoko koyoka soni te gratte Emily kitenge koyoka soni te la kisa Musembe baye kobi nisa biso Inez basanta eti ngombe fone ngombe Zoko Zoki Mokolo Mwana Aïsoda Mokonzi